balao. Phenomenal vibes. La deux équipe sur le micro. Phenomenal vibes. Monte le volume, monte le volume, monte le volume, monte le volume, monte le volume.